Voyage dans la Sibérie orientale, note extraite de la correspondance d'une artiste, Mademoiselle Lise Christiani. Dans leur long itinéraire à travers la Sibérie, M. et Mme Atkinson rencontrèrent à plusieurs reprises à Irkoutsk, à Barnaoul et ailleurs, une jeune Française qu'une destinée d'artiste avait poussée dans ce nord de l'Extrême-Orient. Possédant au plus haut degré le sentiment de l'expression et de l'harmonie, sachant tirer de l'un des instruments les plus difficiles, le violoncelle, des sons semblables à ceux de la poitrine humaine, Lise Christiani avait su se faire, avant 20 ans, la plus belle réputation musicale. Après avoir conquis à Copenhague le titre et le brevet de premier violoncelliste du roi de Danemark, et mérité de l'enthousiasme des Suédois le surnom de la Sainte Cécile de France, elle était venue tenter la fortune à Saint-Pétersbourg. Mais à cette époque, un deuil de cour enveloppait de son silence la ville et l'empire, et la belle jeune virtuose, déçue pour la première fois, s'était lancée résolument en pleine Sibérie avec son fidèle Stradivarius, une grosse femme de chambre russe et un vieux pianiste allemand qui remplissait auprès d'elle la double fonction d'accompagnateur et de protecteur. La confiante audace de la jeune virtuose fut payée des plus vives sympathies dans toutes les villes sibériennes. Accueillie de la société officielle et des groupes d'exilés comme un oiseau chanteur, écho harmonieux des terres aimées du soleil, Lise Christiani put répéter, pendant son rapide voyage, ces mots du poète, « vie errante et chose enivrante ». Les pages suivantes sont textuellement empruntées à sa correspondance que sa famille a bien voulu nous confier. Chapitre 1er. Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale, est une ville assez considérable située au confluent de 3 rivières. L'une d'elles, l'Angara, principale artère du système fluvial qui porte le nom de Jenisseï, est remarquablement rapide et profonde parce qu'elle sert de décharge au lac Baïkal, qui n'est qu'à quelques lieues de la ville. Irkoutsk est, après Tobolsk, la ville la plus importante de la Sibérie. On y compte 20 000 habitants, parmi lesquels existe une communauté allemande avec son église propre. Elle est le siège d'un archevêché et d'un séminaire où l'on enseigne le chinois et le japonais. Cette ville, du reste, n'offre d'intérêt que parce qu'elle est au bout du monde. De loin, elle fait assez bonne figure, attendu qu'elle compte presque autant d'églises que de maisons. Ses principaux édifices, y compris un très grand couvent de femmes, où l'on conserve le corps d'un saint révéré dans toute la Sibérie, ont été bâtis par les Suédois, faits prisonniers de guerre à la bataille de Poltava, et dont plusieurs descendants sont encore établis dans le pays. On trouve aussi à Irkoutsk, qui le croirait, un théâtre, mais sans comédien. Et si les habitants veulent avoir la comédie, il faut qu'ils se la donnent eux-mêmes à eux-mêmes. Fantaisie qu'il leur prend plus que rarement. La population se compose d'un certain nombre d'exilés politiques, d'artisans et de marchands. Le général Mouraviev et sa famille ayant résolu d'aller d'Irkoutsk à Kiachta, ville moitié russe et moitié chinoise, sur la frontière des deux empires, il nous fallut traverser le lac Baïkal, qui est à quelques lieues d'Irkoutsk. Ce lac, un des plus grands du monde, a 2 500 lieues carrées de surface, et comme il est bordé de rochers de toutes parts et qu'il reçoit plus de 80 rivières, il est d'une profondeur extraordinaire, qui surpasse, dit-on, par endroits, 3 500 pieds. Sa navigation est dangereuse, parce que les vents y sont fort variables et que ses rives n'offrent pas d'abri. Les bâtiments qui naviguent dans ces eaux sont d'une construction si médiocre que les marins qui les montent n'osent guère se hasarder que lorsque le temps est décidément beau et le vent maniable. La traversée fut remarquablement rapide, mais le vent était si violent que les lames s'élevaient comme en pleine mer et nous eûmes la honte d'avoir le mal de mer sur de l'eau douce. Arrivé bientôt au point où le lac aboutit à la grande route de Kiachta, il nous fallut rester en panne 24 heures à 1 kilomètre tout au plus du rivage, parce que la violence du ressac s'opposait au débarquement. Enfin, le temps devenu plus calme nous permit d'aborder à l'abbaye des ambassadeurs, ainsi nommée parce que ceux que Pierre le Grand avait envoyés en Chine au commencement du XVIIIe siècle furent massacrés en ce lieu par les Mongols. Le monastère fut construit en expiation de cette violation du droit des gens. On a du haut de ses clochers une vue magnifique du lac Baïkal et de la ceinture de roches qui l'enveloppe. Celle de la rive orientale était déjà couverte de neige et formait un contraste d'un effet pittoresque avec celle de la rive occidentale encore toute resplendissante de soleil, de verdure et de végétation. Une fois à terre, nous regagnâmes le temps perdu aux abords de la côte et nous franchîmes rapidement les 43 lieues qui nous séparaient de Kiachta, en traversant une contrée montagneuse d'abord assez fertile, puis d'une stérilité affreuse lorsqu'on approche de la frontière. Le 29 octobre, nous étions à Kiachta. Cette ville où se fait le commerce entre les deux empires est la dernière de la frontière russe. Elle n'est qu'à 360 lieues de Pékin, par conséquent 5 fois plus près de cette capitale que de celle de la Russie. Cette distance n'aurait certainement pas arrêté une voyageuse qui avait fait plus de 4 000 lieues depuis son départ de Moscou, et elle aurait été visiter la capitale du Céleste Empire si messieurs les Chinois l'eussent permis. Le nombre des négociants russes qui font le commerce à Kiachta est très petit. Quant aux Chinois, ils comptent environ 60 maisons principales. Ces établissements, auxquels sont jointes des boutiques de détail, forment, avec un grand nombre de domestiques et les artisans indispensables dans une ville, la partie chinoise de Kiachta, sous le nom de Mai Ma Chin, qui veut dire faubourg commerçant. Une esplanade fermée sépare les deux villes. Du côté russe, il y a une porte à l'européenne avec un corps de garde, du côté chinois, une belle porte dans leur style d'architecture avec des inscriptions et des figures mythologiques. Lorsqu'on entre à Mai Ma Chin, on est frappé de la différence d'aspect qu'offre une ville chinoise comparée aux nôtres. Les rues sont alignées, mais étroites, et ne présentent qu'une longue muraille interrompue de temps à autre par une porte cochère, car il est d'usage en Chine d'être hermétiquement calfeutré chez soi et de ne rien laisser voir au dehors de ce qui se passe au-dedans. Si l'on pénètre dans l'intérieur, on trouve une cour où sont construites les boutiques et les chambres d'habitation. La corniche du toit, fortement relevée et en saillie, est soutenue par des colonnes et forme une espèce de galerie de l'aspect le plus agréable à cause de la légèreté et du bon goût de la construction, de l'éclat des couleurs et de la variété des ornements. Au centre de la cour est un tableau entouré de fleurs, représentant le dieu de prédilection du maître du logis, et il faut ajouter que messieurs les Chinois ont des divinités d'une forme plus que bizarre. Les fenêtres des maisons sont faites en bois artistement contourné et d'un effet charmant. En été, on en démonte les châssis et on les remplace par des canevas de soie qui laissent entrer l'air et qui sont peints d'une manière ravissante. Si l'on ajoute à tout cela une quantité de fleurs rares sous les portiques, dans de jolis vases de porcelaine et des cages dorées ou vernies, renfermant des oiseaux dont les formes et les couleurs se trouvent si souvent reproduites sur les paravents et les éventails, on concevra que l'aspect extérieur d'une maison chinoise est une vraie fête pour l'œil. L'intérieur des maisons est en harmonie avec le reste. Dans celle que j'ai visitée, il y avait 3 pièces. La première servait d'antichambre et les 2 autres d'habitation au maître de la maison. Je ne dois pas oublier de vous dire que les marchands chinois qui fréquentent Kiachta n'ont pas la permission d'amener leurs femmes. C'est une ville d'hommes et uniquement d'hommes, ce qui doit modifier à leur désavantage les maisons chinoises, car je ne doute pas que les dames de cette nation n'aient comme les nôtres le goût des jolies choses et n'aiment à s'entourer de meubles élégants et gracieux. On est d'autant plus porté à le croire que les femmes chinoises sortent peu de chez elles et doivent en conséquence chercher encore plus que d'autres à parer leur demeure. Quant au talent des Chinois pour les bagatelles et ce qu'on appelle à Paris la mamelotterie de luxe, telle qu'elle se montre au grand jour chez Giroux ou Tahan, il est incontestable. Aussi avons-nous beaucoup perdu en ne voyant pas l'appartement d'une dame chinoise et son petit Dunkerque. L'antichambre d'une maison d'homme est entourée de chaises de canne vernis, recouvertes d'une belle natte fine. Il s'y trouve de grandes armoires d'un bois noir sculpté. Sur les murs sont des stances religieuses ou philosophiques, des tableaux peints sur papier représentant des scènes d'intérieur ou des paysages. L'appartement, à droite en entrant, est le salon de réception dont les portes sont en bois sculpté verni avec des glaces peintes qui offrent de jolies figures de femmes, des fleurs, des oiseaux ou des compositions d'une originalité singulière et pourtant d'une originalité agréable. Le travail en est tel qu'on aurait bien de la peine à Paris ou à Londres, je ne dis pas à les surpasser, mais même à les imiter. Au fond de l'appartement, il y a un divan sur lequel sont des espèces de matelas avec des oreillers carrés, où les Chinois se placent à la turque. Sur la muraille, derrière le divan, il y a ordinairement une glace dont les ornements peints et sculptés rappellent ceux de la porte qui lui fait face. Quelquefois, au lieu de glace, se développe un grand sujet mythologique, plus ou moins habilement reproduit par le dessin et la peinture. Sur le divan sont placées de petites tables basses, toujours en bois sculpté et découpées à jour, ainsi qu'une foule de petits meubles d'un usage habituel pour poser les pipes, les tabatières, servir le thé, placer les livres, etc. C'est une grande politesse que d'inviter un étranger à se placer sur ce divan, et ce n'est commode que pour ceux qui se croisent des jambes à la manière des tailleurs. Il y a aussi dans ce salon des chaises et des fauteuils de bois travaillé et vernis comme les Chinois savent le faire. La table principale de l'appartement est placée près du divan. On y voit ordinairement une grande boîte de lacs ronde à compartiment, toujours garnie de bonbons, de confitures et de fruits secs, qui restent là en permanence pour être offerts avec le thé aux visiteurs. En face des fenêtres percées dans toute la partie de l'appartement située sur la cour, il y a une grande console sur laquelle est placée une armoire moyenne à tiroirs en bois sculpté, rehaussée par des pierres de couleur représentant des fleurs et des fruits dans des vases, le tout du meilleur goût et du travail le plus exquis. Puis des porcelaines et une pendule ordinairement de fabrique anglaise. Car, avec toute leur adresse et leur industrie, les Chinois ne s'entendent pas à l'horlogerie. Tel est l'ensemble d'un salon chinois. On pressent par cette description ce que doivent être les appartements des gens riches dans les grandes villes de l'Empire, puisque le détail qui précède, et dont on vient d'essayer de donner une idée, n'appartient qu'à un petit comptoir isolé, établi à l'extrémité de leurs frontières, et dans une localité tellement abrupte que le transport des objets fragiles et délicats présente les plus grandes difficultés. L'appartement à gauche, en entrant par le vestibule, sert aux marchands chinois de cabinet de travail et de chambre à coucher. Son lit n'est autre chose qu'un divan semblable à celui du salon. Il y a des tables et encore des armoires vernies, mais moins soignées que celles de l'autre pièce. Des livres, des images de divinités, des objets d'un usage journalier, plus tout ce qu'il faut pour écrire. Leur moyen d'éclairage consiste dans des lampes un peu primitives, dont le globe est en corne peinte, et dans des chandelles en suif ou en cire coloriée et vernie. À la cour principale aboutissent d'autres cours où se trouvent les magasins, la cuisine, les habitations des domestiques et dans chaque cour un chien de garde très méchant du genre des bulldogs anglais. Si l'on ajoute encore à tout cet ensemble un jardin et le luxe des fleurs, on aura l'idée d'une demeure aussi élégante que confortable et qui ne le cède guère au nôtre, si même elle ne l'emporte sous plusieurs rapports. Comme nous arrivions à Kiachta, honorablement accompagnés et sous la protection d'un officier russe d'un grade assez élevé, attaché au gouverneur général, notre présence dans cette ville était donc un événement. Le chef du comptoir chinois, Wu Zhaoguqiai, envoya un officier attaché à sa personne pour nous complimenter et nous témoigner ses regrets de ce qu'une indisposition le privait du plaisir de venir lui-même. Les Chinois emploient toujours cette excuse banale pour éviter de devenir les premiers. Un officier d'un rang inférieur lui fut envoyé pour répondre à sa première politesse. Ce que nous appellerons le chef de notre caravane accepta néanmoins pour le lendemain une invitation à dîner à laquelle il se rendit accompagné de l'inspecteur de la frontière, du directeur des douanes, de quelques officiers et d'un détachement de Cosaques. Le tsar Guchei, qui se portait très bien, malgré son indisposition de la veille, vint au-devant de ses invités jusqu'à la porte extérieure de ses appartements, leur donna une poignée de main, car c'est l'usage chez les Chinois, ou bien ils l'ont adopté à notre exemple, et il les conduisit dans son salon où lui et notre chef seulement prirent place sur le divan. On servit du thé dans des tasses de porcelaine, dont les soucoupes en cuivre ont la forme d'un bateau, puis on offrit des fruits confits et des confitures. La conversation débuta par quelques lieux communs sur nos âges, nos familles, les grades, les détails des armes et de l'habillement, et enfin sur le but de notre visite que les Russes et Chinois cherchaient à pénétrer par des questions très adroites. Nous nous amusions de ses efforts et, comme nous n'avions aucun secret à cacher, nous lui dîmes que nous étions venus par pure curiosité sur ce point si intéressant de la frontière. Nous ne savons pas s'il nous crut, mais il parut satisfait de l'explication et nous aurons probablement l'honneur qu'un rapport à notre sujet soit mis sous les yeux du Fils du Ciel. Nous n'avons pas besoin de dire que la conversation avait lieu en russe de notre part par l'intermédiaire d'un interprète et de celle du chinois en langue mandchoue que savent en Chine tous les gens bien élevés parce que c'est celle de la dynastie. On annonça que le dîner était servi. Le tsar Guchei et notre principal officier passèrent dans la salle à manger en se tenant par la main. On était 5 ou 6 à table, laquelle n'était pas beaucoup plus grande qu'une table de whist ordinaire. Devant chaque convive se trouvaient 2 soucoupes de porcelaine, dont l'une était vide et l'autre à moitié remplie de vinaigre. Nous avions fait apporter nos couverts, car les Chinoises se servent pour manger de 2 petits bâtons d'ivoire qu'ils manient adroitement avec les 3 premiers doigts de la main droite, qu'ils leur suffisent même pour prendre des potages ou des sauces très liquides. La table était chargée de mets servis dans des soucoupes à peu près semblables à nos assiettes, mais qui se composaient de petits morceaux de viande de porc, de mouton, de volaille, de gibier bouilli dans de la graisse. On les prend sur la soucoupe ou les mange après les avoir trempés dans le vinaigre. On sert alternativement des viandes, des légumes tels que choux, concombres, choux-fleurs et des pâtisseries sucrées. 52 soucoupes nous furent successivement offertes et nous goûtâmes d'un grand nombre autant par curiosité que par politesse. Le dîner se termina par 8 soupes à la viande, ce qui est le maximum de la politesse chinoise qui mesure la considération que mérite un homme au nombre de plats qu'on lui sert. Nous avions apporté notre pain, car les Chinois n'en font pas usage. On distribuait à chaque instant aux convives de petits morceaux de papier de soie pour s'essuyer la bouche. La boisson était une espèce d'eau-de-vie de riz sucré d'un goût fort désagréable. Il n'y avait pas d'eau à table, et les verres n'étaient pas plus grands que ceux dans lesquels on boit en France de la liqueur. Assurément, un dîner chinois n'est pas pour un Européen, et surtout pour un Français, un chef-d'œuvre gastronomique. Mais il y a certains plats, comme les hachis de porc et les pâtisseries, qui ont fort bon goût. La cuisine chinoise a pour but la variété plus que la quantité. Et elle serait vraiment passable si elle était moins grasse, si les épices et surtout l'ail étaient moins prodigués, et le porc, viande qu'il préfère, moins employé. Après le dîner, on repassa au salon, où l'on nous servit le thé et d'excellentes confitures. Pendant que nous étions au dessert, notre hôte nous quitta pour aller changer de vêtements, car c'est une politesse chez les Chinois d'en mettre un autre après le dîner. Il revint bientôt après en robe d'une espèce de satin turc d'un brun charmant, recouverte d'une veste de satin bleu broché. Il nous montra différentes curiosités et nous proposa de nous faire voir le temple principal en attendant l'heure de spectacle, car les Chinois ont un théâtre à Mai Ma Chin. Le temple que nous avons vu est un bâtiment carré dont la corniche tressaillante est soutenue par des colonnes formant une galerie autour de l'édifice. Rien n'est plus extraordinaire que la variété des peintures et des ornements qui décorent cette corniche. Les colonnes sont dorées et couvertes d'inscriptions. Les murailles d'emblèmes empruntés à leur culte et de sentences tirées de leurs auteurs sacrés. L'intérieur est divisé en 3 parties où sont placées les idoles, et devant ces idoles, qui occupent des enfoncements, sont des tables avec des chandeliers où brûlent des cierges. On y place aussi des vases où l'on met de l'eau, des parfums et les objets offerts en sacrifice, comme des fleurs, du grain et des ex-voto. Des drapeaux et des flammes pendent au-dessus des tables et dérobent aux spectateurs la vue des idoles. Les murailles peintes à fresque, en belles couleurs et en or, représentent les actions ou les circonstances les plus remarquables de la vie des dieux auxquels le temple est consacré. Quand on pénètre dans les enfoncements destinés aux idoles, qu'on n'aperçoit pas d'abord en entrant, on ne peut se défendre d'un mouvement de surprise et presque d'effroi à la vue de ces figures bizarres qui ont jusqu'à 20 pieds de haut et dont les traits horriblement contractés n'expriment que des passions violentes. Les vêtements des idoles sont aussi extraordinaires que leur visage et tout ce qui leur appartient est sculpté et coloré avec un soin et une habileté qui annoncent des artistes d'un talent supérieur. Dans le temple de Mai Ma Chin, il y avait 9 divinités partagées en 3 groupes. Au centre, Fo, divinité principale, accompagnée de ses acolytes, c'est-à-dire des guerriers qui, légendairement, ont contribué à assurer ses succès. Dans les 2 autres groupes sont les dieux de la guerre, de la justice, du commerce, de l'agriculture et quelques autres idoles secondaires. Le dieu Fo est le seul qui est un vêtement de satin jaune, couleur sacrée chez les Chinois, et que portent seuls les empereurs. En somme, le temple de Mai Ma Chin est certainement une des choses les plus originales et les plus remarquables que j'ai rencontrées dans mes voyages. Notons en passant qu'il n'y a pas de prêtre. Le temple est ouvert à certains jours de la semaine et chacun peut y venir prier et faire son sacrifice à 16 heures. Après la visite au temple, l'heure du spectacle étant venue, on se rendit dans la loge du Tsar Wu Chei. Le théâtre est construit à peu près comme ceux que l'on voit à Paris dans les Champs-Élysées les jours de fêtes publiques. seulement il est orné avec plus de goût et à la manière des Chinois, c'est-à-dire avec une corniche saillante et très bien peinte à l'avant-scène. Les rôles de femmes sont remplis par des jeunes gens de 15 ans d'une jolie figure. Les spectateurs sont en plein air. Le tsar Wu Chei seul et les principaux habitants ont des loges en face du théâtre. L'intervalle entre chaque scène était rempli par une salve d'instruments. Il faut avoir entendu cette effroyable musique pour se faire une idée du charivari que peuvent produire tous ces tam-tams, ces gongs, ces cymbales, et particulièrement une espèce de tambour à deux baguettes que l'on entendrait d'une lieue de loin. La pièce était tirée de l'histoire de la Chine et rappelait un peu le sujet de la tragédie de Voltaire intitulée « L'orphelin de la Chine ». Le tout était entremêlé de combats qui ne finissent pas et qui sont encore plus ridicules que ceux qu'on voit dans nos petits théâtres. Par exemple, pour indiquer qu'ils sont à cheval, les acteurs lèvent les jambes très haut. Leur accent est nasillard. Ils parlent le chinois pur et nous n'en vîmes aucun qui annonçât du talent. Mais en revanche, leur costume, fait avec ces vieilles étoffes chinoises, qu'on a même de la peine à trouver dans l'intérieur de l'Empire, sont remarquablement beaux. Dans la petite pièce, farce ridicule et indécente de gestes comme de paroles, il y avait des femmes mises comme elles le sont maintenant. Leur costume, aux couleurs et aux étoffes près qui sont moins sombres et plus riches, se rapproche de celui des hommes et se compose des mêmes éléments. Rien ne marque la taille et l'ensemble manque par conséquent de cette élégance qui caractérise la plupart de nos costumes européens. Les chaussures sont affreuses et les pieds atrophiés. Quant aux coiffures, elles consistent dans une espèce de chignon qui retient les cheveux et vient se rattacher par derrière au moyen d'un riche peigne. Par devant, les cheveux sont relevés sur le front et réunis soit au sommet de la tête par une forte boucle, soit sur le côté et toujours accompagnés de fleurs naturelles. Aucune femme chinoise, de quelque âge et de quelque rang qu'elle soit, ne manque à s'emparer. Cela sied fort bien aux jolis visages, et l'on dit qu'ils ne sont pas rares en Chine. Quant aux hommes, ils sont en général de chétive apparence, avec le visage d'un blanc pâle et maladif, des cheveux d'un noir foncé et huileux, des yeux petits mais vifs et spirituels. Les gens du peuple sont grossiers, tandis que ceux d'une classe plus élevée ont assez bonnes façons et sont hospitaliers et polis, au moins d'après les échantillons que nous avons eus sous les yeux pendant le peu de temps que nous sommes restés auprès d'eux. Si leur ignorance n'est pas affectée, il faut avouer qu'ils la poussent aussi loin qu'elle peut aller, tant ils sont indifférents pour tout ce qui n'est pas de leur pays. Ainsi, par exemple, le tsar Wu Chei de Mai Ma Qin ignorait qu'il y eût un peuple français. Prenez donc la peine, après cela, de conquérir les trois quarts de l'Europe sous la conduite du plus grand capitaine des temps modernes, pour que votre renommée, à bout de souffle et de vol, vienne ainsi s'abattre et mourir à la porte d'un mandarin chinois de 6e ou 7e classe. Ce respectable fonctionnaire ne connaissait en Europe que des Anglais et des Portugais et se persuadait que les Russes étaient asiatiques. Mais pour ce qui touche à leur orgueil et à leur intérêt, les Chinois ont un sens pénétrant et un tact qui supplée aux connaissances qui leur manquent. Ils sont d'ailleurs véritablement opprimés par la dynastie Mandchou qui les gouverne depuis un peu plus de 2 siècles. C'est elle qui s'enferme et qui refuse toute communication extérieure. Nous croyons pouvoir assurer que le peuple chinois proprement dit verrait sans peine le monde s'ouvrir devant lui. Il sent qu'il y gagnerait de toute manière, mais ce n'est qu'en tremblant que quelques Chinois osent s'ouvrir sur ce sujet avec les étrangers. Les peines les plus sévères atteindraient ceux qui auraient l'audace d'exprimer cette pensée qui existe pourtant chez le plus grand nombre. La comédie ayant terminé les plaisirs de la journée, nous nous séparâmes du tsar Wu Chei et nous nous quittâmes les meilleurs amis du monde. Le lendemain, il vint à son tour à notre logis, apportant avec lui ses présents, qui, chez les Orientaux, sont une marque de considération qu'ils accordent toujours à ceux qui les visitent. Ces présents consistaient en une pièce de satin noir, 2 demi-pièces de satin broché bleu et brun, 2 lanternes de bois travaillées, garnies avec du canevas brodé en fleurs de couleur, 1 boîte d'essence de thé, du thé noir et du thé vert, et quelques autres menus objets. On lui riposta sur le champ par une montre anglaise en or à répétition, 12 aunes de beau drap bleu, et l'on n'oublia pas les comédiens qui nous avaient amusés la veille. Tout cela coûta assez cher, mais on ne voulait pas être en reste de politesse avec ces messieurs, et l'on put espérer qu'ils conserveraient un souvenir agréable de notre excursion au-delà de leurs frontières.